إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc tout d'abord, les frères, avant de commencer dans le vif du sujet, Inch'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Et ces bienfaits, comme vous le savez, sont indénombrables pour nous. Parmi les plus grands bienfaits qu'il nous a accordés, il y a celui de l'islam. C'est-à-dire le fait d'être dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie. Pas le christianisme, pas le judaïsme, pas le bouddhisme, tout ce qui est association, toutes ces choses-là. La vraie religion d'Allah, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala yakul. Inna dina indallah l'islam. Certes, la religion que d'Allah, c'est l'islam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yakul kadhalik. Wa man yabtari l'islam adina, fa la yukbala minhu. Et celui qui choisit autre que la religion de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Ou également, comme on l'a dit dans la khutbat al-Haja, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas si ce n'est en étant des musulmans, totalement soumis. C'est un ordre d'Allah, ça veut dire celui qui meurt sur l'autre situation que celle-ci. Son cas est extrêmement grave. Et également, de façon spéciale dans l'islam, le fait de suivre la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, comme dans la khutbat al-Haja, nous avons dit, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Celui qui obéit à Allah et à son messager, à sa réussite, mon réussite. Et tout cela également doit être sur une compréhension spécifique qui est celle des salaf salih. Vous voyez, et les adillas sur ça sont très nombreuses, du fait que l'islam doit être pris comme religion de façon générale, la sunna qui est là pour expliquer comment comprendre l'islam, et la compréhension des salaf qui est là pour faire comprendre la sunna, donc en l'occurrence l'islam kazalik, de la même façon. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, de nous sortir de là d'où nous étions. De façon générale, le kouf. Vous voyez, qu'il n'y a rien de pire que le kouf. Et le pays du kouf dans lequel on était. Vous voyez ? Car comme on dit, nous venons de loin. De façon, dans le sens en lui-même, on est déjà de loin, parce qu'Inch'Allah, du moins la plupart d'entre nous, on était des koufars, ou également du lieu. Car la France est loin du Yémen. Et très loin du Yémen. Et plus les loin, on se porte. Donc par rapport à ça, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de nous sortir de là-bas, ce n'est pas seulement le fait d'avoir sorti notre corps pour le mettre à un autre endroit. Le cœur va avec, les actes y vont avec. S'il y a un changement de lieu qui a été fait, c'est qu'il y a un changement d'attitude qui va être fait. S'il y a une vision qui était auparavant donnée, celle-ci va changer pareillement et va s'améliorer, Inch'Allah. Le but n'est pas de changer d'un lieu pour aller au club faire la même chose. L'Ijra, comme cela est connu, l'oratan, littéralement parlant, c'est talk, le fait de délaisser quelque chose. Un peu rentrant dans les péchés. Quelqu'un qui délaisse les péchés, c'est un mouhajir. Vous voyez ? Et Shal'an, dans la législation, celle qui évolue, c'est intikal min balad islam, intikal il balad al kuf, il balad islam. Le fait de se déplacer du pays de kuf pour aller vers le pays d'islam. Et, mais quel est le but de ça ? De s'améliorer. De pouvoir vivre la religion pleinement. La ressentir dans le cœur, la voir sur le corps, la voir sur la langue, la voir sur les mains, que cela soit apparent. Pourquoi ? Parce que cela est une obligation pour nous, Allah nous a créé pour qu'on l'adore, et cela est une da'wah aussi. Même si toi, des fois, tu n'es pas un da'i, tu n'es pas un prédicateur, tu n'es pas un imam ou quoi, par tes actes, la plus grande chose, l'un des plus grands moyens de faire da'wah, c'est tes actes en soi. Les gens analysent ce que tu fais et voient comment tu agis. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens voient ce que tu fais. Par exemple, un kafir, par exemple, il voit un muslim tous les matins, il va à la salat. Même toi, tu ne l'appelles pas, il t'a vu. Il sait ce que tu fais. Lui, sans que tu lui aies dit, il dit, le muslim, il fait salat, déjà. Il t'a vu. Tous les matins, il voit, lui, je ne sais pas, il revient de boîte, il revient de je ne sais pas d'où, ou il sort son chien, et toi, il te voit, tu te lèves le matin, il doit rentrer dans le masjid, s'il y en a un près de chez vous, il doit faire salat, et après tu reviens, il est encore dehors en train de faire je ne sais pas quoi. Et tous les jours il voit. Crois-moi bien que ça va lui faire quelque chose. On ne dit pas qu'il accepte, mais en tout cas il va réfléchir. Il y a celui-là, il se lève. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas d'argent à gagner. Il n'a pas un salaire. Il n'a pas un truc derrière. Il se lève le matin comme ça, tôt, il fait froid. Il va à la mosquée, je le vois. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la mosquée, mais je vois, il ressort. Et après il fait sa vie. Ça l'intrigue. Parce que eux, à la base, les koufars, ils marchent pourquoi ? Par l'intérêt. Tout ce qu'ils font, c'est qu'il y a l'intérêt derrière. L'argent ou un avantage de les biens de ce bas monde. Alors que toi, tu fais ça pourquoi ? Pour l'akhira. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te demande pourquoi tu fais salat, parce qu'Allah m'a obligé à le faire. Et dit t'as quoi à gagner ? Tu dis Inch'Allah Jannah. Et dans ce bas monde, j'ai un bienfait dans mon cœur. J'ai l'iman qui monte. Et moi, je me sens bien. Toi, dans ton cœur, t'as un creux, c'est vide, c'est mort. Pourquoi ils se suicident ? Pourquoi ils prennent des drogues ? Pourquoi ils prennent de l'alcool ? Parce que leur cœur, il est mort. Il n'y a pas d'iman dedans. Tu vois, et beaucoup d'entre nous m'ont sorti ça au fond de nous. Tu lui donnes des millions, toutes les femmes de la terre, il aura toujours un truc dans son cœur qui ne va pas. Donc, lui, il voit faire ça, ça veut dire quelque chose. Donc, dans tes actes, ta darwa, elle est apparente. Même tes parents chez toi, ils te voient par exemple, je ne sais pas moi, tout le monde est assis, à Ouzoubillah, ils boivent de l'alcool, à table, tu t'en vas, ils vont s'énerver, blachek. Ou ils vont parler, toi, tu sais avoir un bon comportement, ils vont dire, pourquoi il ne boit pas ? Nous, on a besoin de ça. Si on n'a pas ça, on ne va pas bien. Et lui, carrément, il nous délaisse pour ça. On l'a mis au monde, on l'a nourri, on lui a donné plein de choses. Et il nous délaisse pour, à cause de cette bouteille d'alcool qui est sur la table, ou à cause du porc qui est là, ou de la viande qui est pas halal, ou parce que Foulena, un tel, elle est là, ou je ne sais pas quoi. Ça joue sur eux. Ça les fait réfléchir. Ils se remettent en compte. Ils vont pas te le montrer à toi, parce qu'ils sont orgueilleux souvent. Ils vont dire, ouais, tu fais n'importe quoi, t'es un fou, t'es un extrémiste, moi je connais des musulmans, ils ne font pas comme toi. Toi, tu fais pas attention. Mais crois-moi qu'au fond d'eux, le soir, quand ils dorment, ou dans les moments de réflexion, ils se remettent en question. Alors, ça, c'est une darwa. Ça, c'est la darwa personnelle que tout le monde peut faire, que tout le monde aussi peut faire dans son comportement. Quand il applique ses obligations, ça joue sur les gens. Sur aussi les musulmans qui ne sont pas des musulmans. Ils te voient, un dans la cité, en bas de la cité, te voit, c'est un jeune, il fait pas salat rien, mais à la base, les musulmans, il ne connaît pas trop. Juste, il ne mange pas de porc, il fait ramadan, le reste, il ne connaît pas. Il va voir les femmes, il écoute de la musique. Il te voit, crois-moi bien, ça va jouer sur lui. Et là, subhanallah, il fait salat lui. Et moi, je suis là. Et je suis là en train de tourner en rond, j'ai des problèmes, j'ai la police derrière moi, j'ai l'autre qui veut me tuer, j'ai des dettes, j'ai je sais pas combien de dettes. Et je le vois lui, il est bien. Et ben ça va, il va venir te voir un jour. Si c'est quelqu'un qui est en lui, il va venir te voir un jour. Il a dit, explique-moi, tu l'expliques, comme tu peux, tu vois, tu vas attirer du résultat. Et le fait que tu sois assez bête de guider pour des gens, cela mérite pour toi que tous les biens les bienfaits de ce moment. Mais c'est vrai comme il a dit à Ali, il a dit Allah. C'est-à-dire que le fait que tu guides une seule personne par ta cause, une seule personne, c'est la meilleure pour toi que les chameaux rouges qui étaient la plus grande richesse chez les Arabes à l'époque. Donc ça, et après chacun son niveau dans la ta'wa. Ça peut être, t'es un vrai da'i, t'es de la science, alhamdoulilah, t'es un imam, t'es un alim, chacun fait comme il peut. Parce qu'Allah n'a pas écrit que tout le monde sera un savant. Ni un imam, ni un prédicateur. Mais en tout cas, il nous demande de quoi ? De lui obéir. Et dans son obéissance, c'est la da'wa. Chacun à son niveau. Vous voyez ? Et cette darwa, plus elle sera basée sur la science, et plus elle sera complète. Et mieux elle sera faite. Et pour acquérir cette science-là, il faut l'apprendre. Bien sûr, il faut l'apprendre. La science, c'est pas comme on trouve chez certaines personnes. Tu trouves que, je sais pas moi, tu dors après du Mossraf, le matin tu te réveilles, t'es un alim. T'as lui entendu ça. Il disait quelqu'un, tu mets le Mossraf sous l'oreiller, ou je sais pas comment. Et demain, tu vas te réveiller, tu seras hafid du Coran. Bah, tu peux te lever toute ta vie comme ça, je crois que tu n'auras même pas un verset dans ta tête. Non, le mot ça, il faut le prendre. Ça va aider. Il faut le prendre, il faut le lire. Déjà, il faut arriver à le prononcer, d'une part. Apprendre à décrypter les lettres arabes. Après, il faut pouvoir le prononcer, savoir prononcer les lettres comme il faut. Ou chacun en fonction de ses capacités. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Là, ils vont, machallah, ils sont très forts, d'autres, ils auront du mal. Il l'a dit, celui qui récite le Coran et qu'il est à l'aise quand il récite, il a beaucoup de récompenses. Et celui qui bégaye, qui a du mal, il a deux récompenses. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'effort. Il ne peut pas, mais il fait l'effort. Il s'efforce de faire la chose. Ensuite, le Coran, après savoir le lire, le prononcer comme il faut, et peut-être même l'écrire, il faut le comprendre. Alors, c'est pour ça là, le Mossraf, il n'a pas mis pour découvrir les murs avec. Il a mis pour qu'il soit appliqué. Pour l'appliquer, il faut le comprendre. Et le Coran, il est en arabe. Le Coran, il est en arabe. La meilleure des langues, la plus belle des langues. Et elle n'est pas si dure que ça. Des fois, on la voit comme une chose immense, une chose énorme. Croyez-moi, si celui qui s'insère pour Allah, qui fait les efforts, sans même avoir à en faire trop, la langue arabe, Inch'Allah, il va l'avoir. Et parmi les causes, c'était de l'avoir déjà être dans un pays où les gens ils parlent arabe. Quand tu pourras voir des frères en France aller dans des jama'iyas, associations, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, et prendre des koutoub, dans quelques années, tu vas les voir, ils n'arriveront pas à parler. Il n'y a pas de baraka. Pourquoi ? Tu as pour une phrase en def, pendant une heure, deux heures, je ne sais pas combien ça dure, tu dors, autour de toi, c'est que du français. Les livres, la famille, le travail, les gens, la télé pour ceux qui la regardent, ou ceux qui l'entendent, parce que en France, même si tu regardes la télé, tu vas la voir. Ou tu as un écran, tu vas la voir. Il n'y a que du français autour de toi. Donc comment faire entrer une langue ? Vous voyez ? Si tu en as une autre qui est à côté, et que tu entends. Cette langue arabe n'a rien à voir avec le français. Elle n'a rien à voir. L'anglais, ça rentre. Je ne sais pas comment ça rentre. Les gens, ils font. Ils parlent français, pourtant ils vont à l'école, au collège, ils sortent, ils parlent anglais. Pourquoi ? Il y a la musique, d'une part. Si les gens écoutaient le Coran, autant qu'ils écoutent la musique, crois-moi que l'anglais arabe, elle serait bien acquise. Et quasiment les plus grandes propagandes qu'il y a à la télévision, c'est en anglais. Tu vois ? Même les vêtements, les marques, tu auras toujours un mot anglais qui arrive. Et la personne dit, oh, ça veut dire quoi ce mot-là ? Tu vois ? Il apprend, ah, le mot, il a appris. Non, tu me dis, ah, la bait. Ça veut dire quoi, bait, maison ? Une seule fois que tu l'appelles. C'est quoi, bait ? Tu vois, il réfléchit comme ça, il regarde. Regarde, non, je suis oublié. Mais tu me dis, ça veut dire quoi, je sais pas, mon house ? Avec le sort direct. Il te le rappelle. Pourquoi ? Parce que c'est une da'wah qui font le koufa. Comme Cheikh Hafizullah, il dit la langue arabe, elle est combattue. Un des principaux moyens pour apprendre la religion. Donc les koufa, ils savent ça. Les ennemis de l'islam qui ne veulent pas que tu avances, ils savent ça. Même si demain ils vont te donner quelques personnes qui vont t'apprendre l'arabe, ils ne vont pas te donner n'importe qui. Ils savent très bien qu'ils vont te donner. Si demain tu vois un frère qui a une da'wah officielle, sans problème de l'État ou quoi, sache que lui, il a fait quelque chose. Il y a des concessions qui ont été faites. Les thèmes n'ont jamais été ça. Pur salafi, faire darawat, apprendre l'arabe, apprendre le tawhid, la sunna, jamais. Jamais, c'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il fait dans la cave. Il ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais officiellement, c'est pas possible. T'es un ennemi pour eux. Ils vont te laisser rentrer chez eux et mettre la graine pour que ça pousse en leur milieu. Ils vont pas te laisser faire. Donc, même tu vois les gens là, qui ont des cours d'arabe en français, je parle des cours officiels, hein, pas des cours c'est entre frères comme ça, et que c'est pas gêné. Officiels, comme dans les soi-disant associations, tout comme ça, eh ben, ils commencent par t'égarer. Tu veux un cours d'arabe, d'accord, fais une association déjà en premier, on va t'aider, on va te donner des fonds et tout. Ben, déjà là, il t'a fait t'égarer. T'as d'abord, il n'y aura pas de baraka dedans. Les gens vont venir prendre l'arabe, ils pourront s'asseoir des années avec toi là, ils ne vont pas avancer. Et même, on dit qu'ils parlent arabe, on regarde leur minage comment il est. Parce qu'il va être très fort en arabe, c'est possible. Allah, il éprouve ses serviteurs par d'autres personnes que lui, fait, tiens, il va apprendre l'arabe pour peut-être égarer des gens. Quand il va parler, les gens vont t'impressionner, il aura de l'effet. Mais regarde son ménage après derrière, comment il est pas droit. Donc il va apprendre l'arabe, il va le prendre avec lui, et il va t'égarer. Donc le but, c'est d'apprendre la langue arabe pour appliquer, pour faire être sur quoi l'istiqama. Et parmi les bienfaits qu'elle a accordés, il est dans ce marquez Mubarak, à Damaj, qui est connu, et que le plus gros centre salafi, centre d'études salafi. Vous voyez, avec un savon qui est là, des machères qui sont là, des toulèbes qui sont là, un mode de vie qui est là pour appliquer tout l'islam à 100%. À la base, des mèches avaient été faites pour la hijra en soi. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elles soient faites. En premier lieu, Cheikh Moubi, rahimahullah, a voulu quoi ? Un lieu de propagation de la darwa. Salafiyya, Tawhid, Sunna, tout ça. Et quelqu'un qui vient des mèches, il est au Yémen, le Yémen c'est un pays arabe. D'ailleurs, les purs arabes, les premiers arabes, c'est d'ici qu'ils viennent. Les arabes sont de deux catégories. Vous voyez ? Il y a les purs arabes qui viennent du Yémen et des contrées qui sont autour. Et les moustards là-bas, c'est la descendance d'Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, c'était pas un arabe. Il était pris par les arabes, vous voyez, il s'adaptait à eux et il est devenu d'eux. Et d'après lui, les autres sont venus, par exemple, le prophète Mohammed, alayhi salam, parmi les descendants d'Ismaïl. Vous voyez, ces gens-là, ils sont où ? Au Yémen. Donc, ils parlent quelle langue ? Ils parlent langue arabe. Regarde le Yémen, ce qu'il y a en ce moment à la télévision. Donc le Yémen, on dirait que c'est on dirait, je sais pas, c'est une guerre civile au Yémen. Quand on nous appelle, ouais, on lance ça à la télé, mais nous on dit, bon, rigole, mais il n'y a rien. Des fois il y a des événements, c'est vrai, c'est possible. Mais si tu réunis chaque crime qu'il y a en France, à chaque coin de rue, tous ensemble, mais en France c'est la révolution, elle est revenue. C'est pas comparable. Oh, Yémen, il y a ça, il y a ça. Mais au Yémen, tu verras pas des petites filles qui se font agresser, violées et qui se font tuer. Tu verras pas des vieilles qui se font tabasser pour prendre leur sac. Tu verras pas des gens en train de vendre de la drogue, je sais pas quoi, en coin de rue comme ça. Bien qu'ils ont le code, c'est vrai. Ils ont le code. Et le code, ça vaut pas la drogue qu'il y a en France. C'est pas le même niveau. L'état des gens qui prennent le code ici au Yémen, ils sont pas comme les gens qui prennent je sais pas quoi comme drogue en France. C'est pas les mêmes. Au Yémen, c'est le pays le plus armé du monde. Quasiment tout le monde a une arme au Yémen. Pour ton regard, il y a moins de meurtres en France. Au Costa Zilou, je ne sais pas où. Pourquoi Al-Iman, il est là. C'est un pays d'islam. C'est pas pareil. Tu verras des choses pas bien. Sûr. Sûr. Tu vois, Yémen, ce n'est pas le Jannah. Le Jannah, c'est après la mort. Cependant, si tu compares le mode de vie des Yéménites et le mode de vie des gens en France, tu verras un fossé énorme. Des fois, on regarde comment ils vivent ici, leur maison en terre, leur petit champ et tout. On dit, mais si vous savez le bien vous avez, nous en France, il faut des taxes au Casa, au Casa. Bien que par moi, une maison à toi, c'est que tu es un millionnaire. Toi, tu viens avec tes ashab, avec tes voisins, ta tribu, ils prennent de la terre, ils construisent en un mois une maison, une grosse maison. Maison énorme en plus, à Lomaba, c'est pas les studios de France. C'est une belle, tu vous avez les maisons qui sont là. Après, tu vois, il y a un grand champ, un troupeau de moutons. Tu dis, c'est quoi l'avenir que t'as là? T'as pas de pression sur toi? T'as pas de taxe d'État, pas d'impôts, de machin comme ça, et tu vis librement. En France, mais pour être comme ça, avoir un troupeau de moutons, mais déjà, c'était une entreprise. C'est déclaré. Eh ouais, c'est tout papier, tout est paperasse. Donc on leur dit, vous avez une Niama, nous, cette Niama-là, vous ne vous rendez pas compte comment elle est passée pour vous. La vie pour vous, elle a donné ainsi au Yémen, peut-être ailleurs, parce que j'étais juste en Égypte au Yémen, j'ai pas vu d'autres pays. C'est facile, en France, on peut. Alors, regarde, demain, là, tu veux rentrer dans la rue, tu viens avec un stand, tu poses ton truc, personne ne te dit rien. Non. En France, il faut que tu aies l'autorisation. Ils te cassent la tête pour tout. Faut que tu aies la place. Faut que tu aies la place. Exactement. Tu peux rien faire. En France, tu es prisonnier. Dans tous les sens du terme. Dans ton cœur, dans ton corps. Et pour faire des choses, il faut que tu sois par en dessous, clandestin ou au noir ou je sais pas quoi. Des choses que l'islam t'as pas demandé de faire, et bien qu'ils te la posent. Donc, comment se faciliter de ces choses-là? Il faut partir. Mais le but de partir, comme on l'a dit au début, c'est pas seulement partir pour dire ouais, je veux une vie facile. Non. C'est d'abord ce que Allah t'a rendu obligatoire. Premièrement. Facile ou pas facile, Allah est obligé de faire la chose, tu dis Allah est obligé de le faire, ça n'a rien à voir, toi Anna. Nous avons entendu, nous avons obéi. Tu pars. Après ça, tu auras des forêts qui vont arriver, tu auras des fruits qui vont arriver. Et toi ton but, c'est parce qu'Allah il a promis de beaucoup d'abondance au Mouhajir, ah je vais partir, j'ai un BM. Enfin je ne l'aurai pas, je peux t'en avoir au Yémen. Non, ce n'est pas une bonne mire. Ton but d'abord, c'est que tu obéisses à Allah. Vous voyez? Si tu as une bonne mire, un BM, alhamdoulilah, tu l'as pas, tu vas pas être non plus triste. Alors celui qui veut un BM, il l'aura pas, et ben lui va dégoûter. Inamal amal bin niya. Vous voyez, les actes ne valent pas les attentions. Il y a un peu de hadith, mais c'est le même collègue. Les dounia, yossi bouha, morati, yon kirouha, fait jirantou, il est ma hajara ilay. Celui qui fait la dounia, qui fait la hijra pour les biens de ce moment, pour opposer une femme, sa hijra est comptée comme ça. Donc toi, le BM, on l'a de ta tête. Comme je parle comme but. Maintenant, si tu l'as, bah, alhamdoulilah, c'est bien pour toi. Mais par pas qu'une IA, je pars de la France, parce qu'en France, je suis pauvre, donc je vais être riche au Yémen. Non. Ça arrive, alhamdoulilah. Ça arrive pas, en tout cas, au moins, t'as la richesse principale qui est promise, celle du cœur. Celle-là qu'on parle en premier. Parce que des fois, des gens, ils comprennent mal le verset. Et mal les promesses d'Allah, ils pensent que c'est matériel. Et quand ils ont pas, ils sont pas contents. Ouais, j'y fais déjà, ça marche pas, je suis encore plus pauvre qu'avant. Et tu te sens bien dans ton cœur. Mais non. Bah, c'est que t'as pas compris. Il y a un problème qui va pas, t'as pas compris. Et ceux-là, souvent, derrière toi. Ils rentrent, et quand ils rentrent, ils sont pires qu'avant de partir. Donc, ça, quand tu pars, t'as hijra, faut que tu la préserves. Par quoi? Par le ilm, la science. Faut que t'apprennes sobre, la patience. Ah ouais, faut que t'apprennes l'ikhlas. Ce que t'avais, c'est pour Allah. Wa ma umiru, illa liyabudullah. Cependant ordonné que de vouer un culte exclusif à Allah. Donc une bonne niya. C'est parmi les conditions d'acceptation des œuvres, c'est une bonne niya. Si t'as une mauvaise niya, Allah ton œuvre n'accepte pas. Si c'est pas pour lui, c'est pas accepté. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas pas accepter. Il faut que t'aies quoi? Tawakkul. Par Allah, tawakkul, kutub mu'minin. Et c'est Allah que vous devez remettre votre confiance et votre croyant. Tawakkul. Crois au qadar, au destin, que ce qu'Allah il a écrit, il va t'arriver. Quoi que tu fasses, si elle a été écrit qu'il va t'arriver une chose, elle va t'arriver. Donc toi, fais les choses et te dis pas, ouais, ça se trouve, si je fais ça, il va m'arriver ça. Fais-le. Si ça arrive, ma'alik, c'est Allah qui te l'a voulu. En apparence, ça peut être un charme pour toi, voyez, mais derrière, ça va bien. Asa, un takarou shi'en, wa khayyam nakoum. Il se peut vous dire une chose alors qu'il est bien pour vous. Wa asa, un tuhibou shi'en, وَشَرُّنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez une chose et que c'est mauvaise pour vous, et Allah sait, vous ne le savez pas. Donc le qadar, par rapport à Allah, il n'y a jamais de mal derrière. Toi, tu te vois comme un mal de main, t'es malade. T'as tout fait, t'es sorti bien couvert et tout, t'as bien mangé, et bien pourtant, tu tombes malade, t'as le ventre qui est plié en quatre, t'as mal à la tête, t'as de la fièvre. Tu dis, j'ai tout fait, subhanallah, pourquoi je suis malade? Allez, lève-toi, tu sois malade. Et bien, la maladie, toi, tu vois que t'es KO, tu dis, ah, oh, ça fait une semaine, j'ai manqué des cours, j'en ai assez, c'est dur, je suis fatigué. Mais c'est trop là, t'as envie de faire le péché avec ta maladie. Et au meilleur qu'il y a mal, tu vas dire, j'ai envie de malade toute ma vie, peut-être. Tellement, t'as envie de pécher. Il y a un raid d'ailleurs que tu vois pas. Ou il est là, tout bas, l'ira. La grande sagesse, elle est là, nous, on sait pas. Donc par rapport à ça, le codeur, il faut y croire. Bien sûr, il faut faire les causes pour lutter les problèmes. Les premiers problèmes qui viennent, déjà, c'est par nous-mêmes. Vous voyez, c'est par nous-mêmes, nos propres mains. Donc on évite les péchés, on évite les mukhalafa, on évite tout ce qui déplaît à Allah. Tant qu'on peut, et si on tombe dedans, nastaghfiru, on a tout brûlé. On lui donne pardon, on se repent, et on oublie la guerre de ne pas recommencer. Sincèrement. Et il n'y a pas de mal à faire tawba. Vous voyez, dans un hadith qu'on dit, on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Nabi sallam qu'Allah, que Allah il a dit, إِنَّكُمْ تُخْتِئُونَ بِلَيْهِ وَالْنَهَارِ وَأَنَا أَخْرِ وَذْرُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونَ يَفْعَلَّكُمْ. Vous cessez de commettre des erreurs nuit et jour. Moi je pardonne. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc Allah l'a écrit que le fils d'Adam, il fera des péchés. Et c'est là que le nom d'Allah, Al-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Rahim, sont mis en évidence. Ces noms d'Allah ont un sens. Allah ne s'est pas appelé Al-Tawwab pour rien. Le Tawwab, c'est lui qui apporte, qui accepte le grand le repentir. Donc si personne ne fait de faute, il n'y a pas de repentir. Long Tawab, comment il est? Si Allah s'appelle Tawab, c'est une raison. Vous voyez? Il s'appelle Tawab, il y a une raison. Donc il faut que les gens fassent Tawab de leurs erreurs. Il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est une chose dans les douloureux de l'Asma Wassifat. Vous allez, Inch'Allah, vous en rencontre. Donc pour finir par rapport aux choses de l'Aïjra, on a dit le Tawakul, on a dit le Qadar. On a dit quoi également? L'Ikhlas en premier, Naam, je dis que là, frère. Ou la Ifa. Taïeb, le fait de se contenir, d'apprécier ce qu'on a, de ne pas en vouloir trop. De ne pas en vouloir trop. Allah t'a donné une chose, taïeb, contente-toi. C'est pas genre, tu vois que tu as ça aujourd'hui, et que l'autre il a ça à côté de toi, tu dois, je veux ça moi aussi. Si tu l'as pas, Allah l'a pourvu pour toi. C'est une fitna pour toi. Tu vois, il y a des gens, ils voient des choses devant eux, ils disent, ah, ta main maintenant, ils voudraient, j'aimerais bien avoir ces choses-là. Le fait de le vouloir au fond de toi, c'est pas un mal. Mais après, t'es forcé d'essayer de l'avoir et de faire des choses qui ne conviennent pas, c'est là que ça ne va pas. Voyez, tout le monde, personne n'aime la pauvreté. La pauvreté, elle est dure sur le cœur. Personne n'aime la maladie. Elle est lourde pour le corps. Personne n'aime ça à la base. Mais si elle l'a écrit, c'est quelque chose derrière. Et là, tu regardes la plupart des prophètes, hormis peut-être Daoud, Al-Salam, Suleyman, c'est tous pauvres, les prophètes. Et les pauvres rendent 50 000 ans avant les riches. 500 ans ou 50 50 000 ans, c'est ce que je me rappelle. 50 000 ans, peut-être 500 000 ans, je crois que c'est 50 000 ans. En tout cas, ils rentrent avant les riches, quoi qu'il en soit. Et il y a plein de choses derrière qui vont derrière. Le pauvre sont peut-être plus humbles. Regarde les gens de l'islam souvent. Qui sont-ils? Souvent, ce sont les pauvres. Parmi les choses que Abou Sofiane, avant qu'il soit dans l'islam, quand il était devant le chef de Rome, quand j'ai expliqué qui était Mohammed, il lui dit, et qui c'est qui le suit parmi vous? Est-ce les pauvres ou les riches? Il dit les pauvres en premier. C'est-à-dire même à l'époque du prophète Mohammed sallam, les premiers à les réponses, c'était les pauvres. On le voit en islam, la plupart des salafis, à la base, c'était des gens qui n'avaient pas une situation facile. Souvent. Il y en a, ils étaient bien, machallah, mais la plupart d'entre eux, c'est des gens qui étaient une situation assez difficile. Des cas sociaux, je ne sais pas quoi. Donc on le voit, ça reste, sous l'entendre là, elle reste perdue. Donc par rapport à ça, il y a aussi le choukr dans la hijra, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mon shakartum, la zdalinakum. Si vous remerciez, je vous rajouterai. Mon kafartum, il n'a azabi la shadid. Genre, si vous êtes ingrat, on va dire, alors mon châtiment est dur. Ceux qui remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, Allah, il montrera son manque de remerciement. Et le remerciement, il a lieu par quoi? Par le cœur, à Walad, par la langue, et par les membres, par tes actes. C'est pas que tu dis Allah, tu le remercies, après tu restes comme ça. Mais tu fais rien. Non. Ça suffit pas. Il faut agir. Il faut que ça se voit. Mais chacun en fonction de ses capacités. Chacun vous donne ses capacités. Et nous, parmi ces choses-là, le chouk, que Allah nous a mis à des mèches, faire ta la belle haine, c'est qu'on passe comme on peut faire ta la belle haine. Chacun à son niveau. Celui qui vient des mèches et pas ta la belle haine, il glisse. il glisse. Au bout d'un moment, il ne supporte plus, il s'en va, et après, on entend des choses de lui, et non. Si on part en France, où qu'il soit, on entend de lui, c'est devenu un sahib de lien. Et après, il devient un grand vers les méfaits d'Allah, il critique le lieu. Ah, dépêche là-bas, kada. T'as pas honte? Après, tu es en train d'apprendre le Coran, hein, en train d'apprendre les sciences qui sont bénéfiques, tu es en train de critiquer des mecs. Ou des gens font des choses que toi, tu n'as même pas à faire. Et ceux qui redient le bienfait d'Allah, c'est pas des mecs en soi. Le lieu en lui-même, c'est que de la terre, il n'y a rien. C'est ce qui contient. La sunna qui est présente, le tawhid qui est présent, la science qui est présente, le ménage qui est présent. Mais demain, là, il peut prendre ça et le mettre ailleurs. Le lieu des mecs en lui-même, c'est pas Mecca. Des mecs, c'est pas Mecca. C'est pas le Médina. Il n'y a pas de versets ou de hadiths qui parlent de celui-là en lui-même. Mais il y a des versets des hadiths qui parlent des choses contenues en ce lieu. Et si ces gens-là, tu les trouves, tiens-les. Vous voyez, tiens-les. Quand je dis ça, ça rappelle pour moi d'abord, ainsi que pour vous, qu'avant de commencer dans quel livre que ce soit, il faut que ça rappelle mutuellement pour que l'individu soit bonne et que la chose soit plus facile. On n'est pas à l'école. Fait. Non, ce qu'on fait tout, c'est pour Allah, pour que ce soit agréable pour nous. Des fois, c'est dur. Le nerf, il a du mal. Ou tu dis aujourd'hui, je suis fatigué, je pourrais y aller. Ou hier, j'ai pas révisé, ou je sais pas quoi. Ça arrive à tout le monde. Tu vois. Mais tu combats ton. Ça, c'est un jet de nerf. Tu combats, tu y vas. Est-ce que tu vois un rêve cassé devant toi? Tu dis, Alhamdulillah, j'ai pas appris, mais aujourd'hui, j'ai pris de nouveaux airs, j'ai pris de nouvelles choses. Mashallah. Et ben demain, et ben je vais rattraper ce que j'ai raté hier et aujourd'hui. Et ben allez, la baraka. Ce qu'il faut, c'est de continuer. Continuer, continuer, continuer. Un petit peu. Continuer. Continuer, continuer, continuer. Un jour, tu vas arriver à la Moustawa, tu dis, Mashallah. Tu vas avoir les fruits de ça. Vous voyez ? Surtout pas désespérer. Pas baisser les bras quand des fois quand c'est dur. Voilà. Et si demain, tu vois, t'as une lourdeur qui vient. T'as une bille là, tu recherches auprès d'Allah, tu fais une chose qui te fait oublier, tu fais des rakats, des ribadas, ou tu fais une chose de bien. Tu fais, je sais pas, t'es d'un frère, tu fais le sadaqa, au moins tu ne tombes pas en haut. Tu dis, j'ai pas fait ça, mais je trouve au moins une autre chose de bien, quand même, malgré tout. Tu vois, c'est pas comme le kafir, je dis, oh, j'ai rien à faire, vas-y, je vais au cinéma. Il n'y a pas ça chez nous. Tu vois, il n'y a pas, tu vas faire un truc haram. Tu n'as pas fait un truc de halal. Et tu dis, bah, tu fais un qui est beaucoup plus facile pour toi, et bah, tu le fais quand même. Tu dis, bah, j'ai pas fait ça aujourd'hui, et bah, je sais pas, il y a fallu les malades, tiens, je vais visiter. Au moins, j'irai faire quelque chose, Inch'Allah, pour Allah. Tu vois, c'est un remerciement. Alors, celui qui fait rien du tout, ou pire, qui fait des péchés, celui-là, c'est grave. Tu vois, celui-là, c'est grave, il faut pas attendre de poser ta par rapport à ça. Donc, tout ça, c'était pour revenir par rapport à la langue arabe elle-même, ça y est, qui est l'outil principal pour les gens comme nous, ici à des mecs, pour comprendre les douloureux. Awalen, comprendre le Coran, qui en a, comme on l'a dit au début, la Sunna, à quoi les salaf et l'ulama, qui eux sont un moyen de nous faire comprendre toutes ces choses-là. Aujourd'hui, demain, je pense à Moussaf, de toi-même, tu ne pourras pas le comprendre. Peut-être que tu vas déduire des choses vraies, mais tes erreurs sont bien plus grosses que tes choses bonnes. Le Coran, avec l'aimant de Allah, c'est sûr, c'est énorme. C'est pas on vient comme ça et on fait le tasser dans nos têtes, comme certains le font. Tu vois ? Tu as dit le Coran, ah, j'ai compris ce que ça veut dire. Et tu vois, il fait une chose énorme, il fait une midara, il s'en rend même pas compte. T'en as pas les conseils quand t'es sur le Coran, ils ont aucune science. Des fois même, on voit des gens, ils se disputent sur des versets en français. Tu parles arabe? Non. Et toi? Non. Fait que le mari qui dit qui fait des polémiques sur le Coran et pas par langue arabe, on le frappe. Tu sais ça? Tu dis au frère, tu sais ça? Et il dit non, je savais pas. Donc arrête. Ou tu reviens à des gens qui savent. Tu demandes. Mais genre, tu vois un verset, il est en français. Et après, tu fais un tafsir dessus, tu vas dire non. Apprends l'arabe. Il se peut que le parler en français soit apparent. Vous voyez ? Par exemple. Écrivez-la comme vous le pouvez. Le sens, il est apparent. Tu vois ? Le sens d'origine, il est apparent. Il y a des versets, alhamdoulilah, ils sont apparents. Le verset, il est apparent. Tu vois, même quand tu prends la traduction des sens en français, tu vas le comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Allah, il te dit, wa'budullah, voilà, tu jusqu'au biché. Et adorer Allah, il ne le sait rien. Le sens apparent, tu vas le comprendre. Mais l'adoration, tu vas la comprendre. Comment adorer Allah? Et le shirk, tu vas comprendre. C'est quoi le shirk? Non. Tu dis, je sais qu'il faut que je l'adore, mais je sais pas comment faire. Je sais pourquoi que je l'associe, mais je sais pas c'est quoi l'association. Et ça, tu vas l'apprendre comment? Avec la science. Tramir. Et ici, tu vas l'apprendre directement avec la langue d'origine. Inch'Allah ou ta'ala. Au début, tu prends les bases, même en français. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a cool, puis qu'il t'avait dit, nous n'avons pas envoyé de messagers ce n'est avec la langue de son peuple pour leur faire comprendre. C'est-à-dire même nous, le livre qu'on va le prendre là, beaucoup sera en français. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que tu comprennes. Si tu veux le dire, je ne fais qu'en arabe, tu vas sortir, tu n'auras pas beaucoup de faïda. Le but, moi, c'est que tu comprennes le livre. Et comme au début, la connaissance de la langue arabe, elle est faible, donc il ne faut pas aller en français. Mais, quand on peut éviter, on l'évitera. Donc, on fera sera beaucoup en français. Mais un n'empêche que toi, le seigneur du Ders, t'appliques la chose comme tu peux. Tu as un problème, tu questionnes. Pas avoir honte de demander au frère. Là, j'ai un mot, là, j'ai pas compris, ça veut dire quoi. Tu demandes au frère. Et aussi des choses qui viendront après. Des fois, si tu poses des questions, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant pour toi. On va dire, Michel, dans le kitab qui va venir après, tu vas comprendre. Pose pas non plus trop de questions. Tu veux tout comprendre du début, tu vas tout perdre du début. Par étape, par échelon. Vous voyez ? Donc ce livre-là en lui-même, qu'on va prendre là, c'est certainement pas un livre de référence scientifique. Vous voyez ? Ça, c'est un livre qui a été fait pour les étudiants de l'université à Riyad, étrangers, qui parlent du moins non, qui ne sont pas arabophones, pour qu'ils puissent s'exprimer dans la vie de tous les jours. Quand tu vas là, tu puisses parler aux gens, et quand ils te parlent, comprends ce qu'ils vont te dire. Tu as besoin de te faire comprendre quand tu t'exprimes. Ça, c'est pas un livre de Nahou. Tu apprends les règles de Nahou, bien que des fois, il se peut que même Bab al-Faïda, je vous en rajoute, si je vous comprenez bien. Mais à la base, le but, c'est pas de, vraiment un kitab de Nahou ou de Sarf ou de quoi. C'est Ta'bir, c'est expression orale. Pour voir comment c'est des phrases justes et correctes. Pourquoi il y a une fatha, c'est pas plus important. Pourquoi il y a une dhamma, c'est pas plus important dans ce livre-là. C'est une autre science, c'est Nahou, la grammaire. Ça, c'est Ta'bir, c'est savoir t'exprimer. Vous voyez ? Car demain, le chien va te parler, ou des femmes vont te parler, des fois, tes voisins ou quoi, pour que tu comprennes ce qu'ils vont te dire. Et toi, tu peux leur répondre, de façon correcte. Et attention aussi, ce qu'il y a beaucoup dans ce livre, c'est pas tout le monde que vous allez entendre tout le monde. Vous n'allez pas entendre tout le monde. Tout le monde ne parle pas comme dans ce livre. Déjà, à la base, le livre en lui-même, le meilleur tarbir que tu puisses avoir, mon frère, Tayyib, c'est celui qui est dans le Coran. Bien que Allah ne demande pas de parler comme lui, tu ne pourras pas parler comme lui. Pas possible. Mais déjà, le tarbir qu'il y a dans le Coran, c'est un niveau, tu peux pas l'atteindre. On ne demande pas de l'atteindre. On te demande quoi ? De comprendre, toi. De comprendre. Vous voyez ? Mais le tarbir qu'il y a dans le Coran, l'expression qu'on prend dans le Coran, c'est pas celle-là. Vous voyez ? Et si tu dis ça, j'ai compris que tu dis le bosraf, tu dis. Attends, mais je ne comprends pas le bosraf, là. C'est pas comparable. Ça, c'est qu'elle aime Allah. Ça, c'est qu'elle aime Bachar. Pareillement, après le mosraf, après le Coran, la sunna. Demain, dans le verset de Bukhari, par exemple, ou le Jami'a Sahih, le chef de l'Hadith se dit, moi, j'ai rien compris au Hadith. Je connais tous les mots, mais la phrase, comment elle est faite, j'ai pas compris. C'est pas ça non plus. Ça, c'est le tarbir de la vie de tous les jours de notre époque. Les salafs, ils avaient un tarbir différent. Des fois, l'expression, il faut un livre entier pour la comprendre. Ou si t'as pas un savant qui t'explique, tu vas jamais la comprendre. Alors que ça, c'est le direct, Inch'Allah. Donc ça, c'est des étapes. Et quand tu vas comprendre ça, le meilleur tarbir que tu puisses avoir, des fois, c'est apprendre l'ahadith. Tu vois ? C'est celui qui a le niveau d'apprendre l'ahadith, le Nabi sans même, c'est la meilleure chose. Et s'il arrive à parler le plus proche de ça, mashallah. Mais que les gens vont dire, comment il parle ? Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Tu vois ? Après, toi, il faut que tu aies aussi un niveau que les gens te comprennent. Demain, tu peux être l'homme le plus éloquent de la terre en arabe. Le but, c'est pas d'être comme ça. C'est que demain, si tu parles, tu donnes un test à des frères, après, tu dis la fin tourne, tu vas te regarder avec de gros yeux. Comme ça. Vous avez compris, les frères ? Ils se regardent les uns les autres. T'as compris ce qu'il a dit ? À fois, il dit, je fais le jeu de miège, je me dis, non, mais j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Pourquoi ? Parce que le frère est trop éloquent. Non, il faut que tu fasses comprendre aux gens ce que tu dis. Parmi les sables de la dawa, te faire comprendre aux gens. Tu verras souvent les couples de savants, surtout chez Prozel par exemple, il a un parler extrêmement clair. Et pourtant, il pourrait parler sans que tu comprennes rien du tout s'il veut. Il a un niveau en arabe, s'il veut, demain il parle, tu ne vas rien comprendre. Non. C'est quoi son but ? Tu comprennes. Donc il va parler avec un niveau de force authentique, mais clair et facile pour tout le monde. Beaucoup de relâmes, c'est ça. Alors celui que tu vois qui est. Et tu en as d'autres, comme Bakr Abou Zayd, lui était extrêmement fort en langue arabe, c'est autre chose. Lui, c'est naturel. C'est comme ça qu'il est. T'as des gens, c'est naturel, ils parlent avec une éloquence. Quand ils parlent, tu comprends. Lui, il veut pas t'attentionner. C'est comme ça qu'il parle tout le temps, tu vois. Lui, Charles Samy l'a dit, ce savant-là, des fois, même lui, Charles Samy dit, il faut dictionnaire pour que je comprenne. L'emploi des mots est très très dur. Tu vois. Mais c'est comme ça qu'il est, c'est naturel. C'est pas takalouf, c'est pas forcé pour te montrer, moi je connais. Non. Il parle comme ça. Et en plus, il a appris Cheikh Kaiti, Mohamed Ali Cheikh Kaiti, qui était un imam avant dans son tafsir, qui était extrêmement fort en arabe. Donc il s'est appris de son cheikh. Mais nous, le but, déjà à la base, c'est de comprendre les sciences de base essentielles, voyez, comme dans l'aqida que vous allez apprendre, vous avez déjà commencé, ou dans le fiqh, tout ça, et c'est facile, c'est pas dur. Mais pour ce faire, il faut le langue arabe. Voilà. Et langue arabe ne sera pas acquise en un an. On va en faire à mesure. Mais le plus important, c'est quand tu as fait un ders, tu l'as compris. Et après, au fur et à mesure, alhamdoulilah, tu auras mustawa, tu donneras de l'eau aux frères. Quand les gens vont expliquer, tu traduiras pour eux, machallah, tu seras content, et tu feras du khayr pour la Ummah. T'as même ? Donc, ce livre-là, comment il va se faire ? Le principal travail, c'est le vôtre. Moi, je dirige. Mais le plus gros du travail, c'est le vôtre. C'est-à-dire, ça, c'est un truc qui demande des efforts à la maison, de bien relire, l'exercice de bien les faire. Vous voyez ? Les mots, bien les comprendre, et bien les retenir. Et quand tu peux les appliquer, applique-les. Tous les mots nouveaux dans le livre, à la fin du livre, tu as un fahlis, un dictionnaire. Ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Expliqués en arabe, ou des fois avec un petit dessin, ou des fois avec un contraire. Par exemple, tu cherches le mot qasir, tu vas à kof, tu vas le trouver, et bien tu fais quoi le signe comme ça? Le signe antonyme, ça, le contraire, c'est antonyme. C'est antonyme, on dit le contraire. Bon, le signe contraire, le gars avec le trait là, il va dire qasir, contraire de tawil. Tu connais tawil, non? Bah, quand c'est contraire, ça veut dire petit court. Ah, t'as compris. Pas la peine de venir avec, je sais pas combien de trucs. T'as compris le mot? On a terminé. Et après, tu le gardes avec toi. T'as même? Des fois, ils donnent des expressions. Certaines sont à éviter. C'est un peu des calèmes de Awam, de Lamas. Vous voyez? Certaines ont déjà des expressions d'islam connues. Donc, on ne va pas les remplacer pour celles de l'islam qui sont connues. Par exemple, des fois, le salam. En islam, c'est quoi salam? Assalamu alaikum. Et quand tu t'en vas, assalamu alaikum. Demain, ils vont te mettre ma'assalam, avec la paix. Pareil. Aujourd'hui, c'est les gens tous les jours qui disent ça, tu vois. Ben, nous, on va dire, taïb, toi, maintenant, la question, tu la connais. Mais tu ne vas pas l'appliquer. Bislama. Hein? Bislama. Bislama? Ouais. Tu ne la connais pas, celle-là? Ouais. Ou en Égypte, tu l'as entendu? En France. Ils la disent? Tu vois, je la connais pas. Donc, toi, tu connais l'expression. Si un jour quelqu'un te l'a dit, tu dis je la connais, mais tu ne réponds pas, tu ne l'appliques pas. Tu vas en trouver des comme ça dans le livre. Celui-là, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de le terminer. Dès que j'ai eu des frères qui l'ont commencé, il y a eu des contretemps qui font que je n'ai pas pu le terminer. On a commencé au début, où Fulani est parti, où il y a eu le Hissar qui s'est passé, il y a eu ça. Donc la partie de la fin, je ne la connais pas bien, mais alhamdoulilah, il n'y aura pas de mal de toute façon. Et en fait, je crois qu'il explique le parcours d'un étudiant. Et c'est des choses dont même tu auras besoin, Inch'Allah. Ça, c'est rapide. Dedans, vous ne pouvez pas trouver d'ahadith ou d'ayat. Malheureusement. Vous voyez ? Mais, alhamdoulilah, comme tu as des mèches, ton mushaf est à côté. Les ayats, tu les prends toi-même. On apprend le mushaf, on apprend le Coran, et les ahadith, je crois que tu n'as pas trouvé un lieu sur autant d'ahadith toute la journée. Après Dhor, un jour, tu as le tafsir de Nukassir, qui est plein d'ahadith. Des fois, à chaque fois, c'est wa qala l'imam Ahmed, wa qala l'imam Shafi'i, wa qala l'imam Fulan, Fulan, il sort des ahadith, tu dis, mais je regarde la page, ça ne s'arrête pas, que des ahadith, tu vois, tout est tout long, toutes les voies de hadith. Il n'y a qu'un seul hadith chez Bukhari, et tu sens moins 50, ou pas 50, mais au moins, je ne sais pas combien de versions, qui confirment ce hadith chez d'autres savants. Tu dis, le hadith, je le connais, alhamdoulilah, maintenant, t'as vu. Même tu ne l'as pas retenu, le jour où tu vas l'entendre, tu dis, je dois connaître le hadith. Pourquoi? Il a tellement été répété. Et quand c'est pas tassier, c'est quoi qu'on a? Jamir Sahih de Chabonbel. Et c'est quoi? C'est que des ahadiths. Après la Asar, c'est quoi que t'as? Le Bukhari. Bukhari, c'est que quoi? Des ahadiths. Après le Maghreb, t'as quoi? T'as les asilins, les fatawas de Shir. Et souvent, il y a des asilins dedans, ou des versets, ou des ahadiths. Après, t'es musulman. Musulman, c'est quoi? Ahadith. Après, on a Jamir Ben Elim Fadli. Et c'est que des Asar de Salaf et des ahadiths. Et après, on a en ce moment le Hitta, qui est un livre qui explique quoi? Les livres de Ahadith. Et celui, comment ça s'appelle? Dal Hadith. Donc, si tu n'es pas déjà tombé à Hadith, c'est nulle part que tu vas l'entendre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. Je dis qu'il n'y a pas un lieu où tu vas l'entendre autant dans la journée qu'à Domaj, les Hadith. Et ça, ça va t'éduquer. Beaucoup. C'est une éducation pour toi. Pourquoi? Tu vas apprendre ce que le prophète Mohammed Sallam disait. Enfin, souvent, on a appris des petits. Les femmes de la fontaine, ou des expressions, on ne sait pas d'où elles sortent, des philosophes, Voltaire, ou des Platon, je ne sais pas quoi, et des fois, c'est encore là en nous. Tu vois, c'est entrant en nous. Ça, faut le dégager, c'est la pollution. Tu vois, faut le dégager. Comment tu le dégages ? Coran ou Sunna. Coran ou Sunna. Et à force, Inch'Allah, ça va rentrer. Ça va t'appliquer, Inch'Allah. Il y a des images dans le livre, en effet. Toi, c'est en noir, moi, c'est en blanc. Non. Celui d'Ismaël, le livre ? Ismaël. Ah, tu l'as pas encore pris de nouveau. C'est mieux que tu le rachètes si tu peux, parce que regarde-toi, avec le marqueur, ça traverse. Le texte, après, il est. Non. Je dis, toi, tu peux le prendre le livre, c'est mieux pour toi. Regarde, nous, on l'a en blanc, là. Et derrière. Le texte, c'est nickel. On arrive à lire. Ismaël, je vois, il a traduit tous les mots. En tout cas, beaucoup. Ça va t'aider. Tu vas tricher, c'est pas bon. Donc, si tu peux prendre le livre à 9, ce serait bien, Inch'Allah. Ça va, il a pas fait les exercices. Hein ? Rien, Inch'Allah. Enfin, aujourd'hui, c'était Rebaram Mukaddima. D'ailleurs, on rentre dans le vif du sujet. Minradi, Inch'Allah. Et si tu as des questions par rapport à ça ou quoi ? Un truc qui pose problème ? Donc, combien de temps le livre sera fait ? Allah Alain. Je ne sais pas combien de temps il va prendre, ce qu'il va faire. Peut-être 2 mois, 3, Allah Alain, on verra, ça dépend. Des fois, je pose des questions de Nahou pour revoir le niveau que vous avez appris auparavant. Si je vois un mot, par exemple, c'est pas du livre, mais j'ai par exemple, une dame ici. Si vous répondez, Alhamdoulilah, tu ne réponds pas, je ne frappe pas les élèves. N'ayez pas peur. Allez. Tu dis Allah Alain. Commence pas à inventer ou à aller je sais pas où, avoir peur. Tu dis, je sais pas. Alors, il n'y a pas de compte. On peut essayer quand même. Hein ? On peut essayer quand même. Ouais, mais si t'essayes, il faut sortir un truc énorme. Tu peux sortir un truc énorme, sache-le. Donc moi, je te conseille d'être prudent. Vous voyez ? M'afficher, il salue Salam. Il n'y a rien qui vaut la sérénité. Non. Tu sais pas, tu dis Allah Alain. Et si jamais tu savais, et tu l'as pas dit, là, il sait. Par exemple, ça arrive dans le hadith de Omar, Nabi Salam, il a dit quoi ? Chacharata ? Jalato, touche Bilboubine, parce que l'Oni Mania, Mahia, il demande au compagnon, il y a un arbre qui ressemble au croyant, quel est-il ? Normal, il était là, c'était encore un enfant. Et dans la salle, il y avait quoi ? Abou Bakr, il y avait Omar, il y avait Othman, les grands Sahaba. Et au fond de lui, il se disait quoi ? C'est Nahla. Mais j'ai honte de le dire devant tout le monde. Il n'a pas répondu. Et Nabi Salam a dit quoi ? Il a dit c'est Nahla. Il n'a pas répondu. Il avait la réponse. Et après, il a dit à son père, Omar, il a dit, je connaissais la réponse. Il a dit que tu aurais répondu, ça aurait été la chose la plus agréable pour moi. Mais il n'a pas répondu, il n'y a pas de mal. Allah, il sait qu'il avait la réponse. Par contre, demain, je te dis, c'est quoi telle chose, pourquoi il a dit, demain, tu me sors ? Ouais, parce que les vents soubent. Je te dis, ah non, ça c'est énorme ça. Les vents soubent, les demain. Tu vois ? Donc le meilleur, si tu ne sais pas, dis rien, tu dis, Allah, Allah. Et si tu savais, Alhamdulillah. Allez, si tu savais, tu vois ? Non. Donc c'est mieux. Ma foi, Marada ? Non. T'as compris ? Non. Ça y est. Parce que tu as une question par rapport à ce qu'on a dit. Top dans l'eau ? Non. Ça y est. Parce que la tafibi hada, subhanaka l'ma'ud, indique, la ilam tal tafibi hada, tu boulais.